Et tout de suite, il est temps d'écouter Guillermo Guise. Non, c'est maintenant. Oui, eh oui. Ah, pardon. Gros enthousiasme, en tout cas. Mais absolument. Mais t'étais en train de dormir, je crois. Ça va, les amigos? Ouais. Et ce matin, je vais vous parler de mes émotions. Oh non. Ah non. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, Ernesto, fils de l'arbre à chat, parle pas de tes émotions. On sait que t'es amoureux de Leïla, mais elle ne voudra jamais de toi. Jamais. Parce que t'es un sous-fifre. T'es même pas au CAC 40. Alors, oui, c'est vrai. Mais j'ai été élu 4 fois plus beau sourire de mon camp scout. J'aurais pas eu un appareil l'année suivante. Je faisais la passe de 5. C'est pas assez pour madame. Tant pis pour elle. Madame choisit de faire des enfants avec d'autres alors que je lui offrais mon patrimoine génétique gratuit. On aurait pu l'appeler Nicolas, cet enfant. Ça n'a rien à voir, Leïla. Bon, c'est pas du tout le problème. Non, c'est une autre émotion qui m'habite. Ah, mais vous savez qu'au départ, vous savez que j'étais même pas prévu de faire une blague avec cette phrase. Et puis ça s'est imposé à moi pendant l'écriture, comme une évidence. Je me suis dit, une émotion qui m'habite, ah bah ça va les mettre en joie. Vraiment, la preuve, on rit. Pas tous, mais on rit. Non, en vrai, je vais vous parler d'une émotion que j'ai du mal à réfréner depuis un moment, et ça concerne le personnel politique qui nous gouverne. C'est irrationnel parce que je sais qu'ils ont pas voulu la crise et les restrictions qui vont avec, mais j'ai tellement envie qu'ils souffrent. Je veux qu'on les enferme un an devant le film Ibiza avec Christian Clavier. Je veux qu'ils soient jamais réélus de leur vie. Je veux qu'ils finissent reclus au Luxembourg dans un appartement moche avec une terrasse orientée nord. Je veux que quand ils ouvrent leur Uber Eats, ils manquent toujours un truc dans leur commande. Je veux que Tinder supprime leur compte tellement ils sont swipés à gauche. Je veux que pour Noël, ils reçoivent des crocs. Je veux qu'ils aient une sciatique du cul. Je veux qu'ils soient invités à la bande originale et que Nagui pose des questions et qu'ils n'écoutent pas leurs réponses. On me dit dans l'oreillette que ça peut s'arranger. Alors ouais, je vous dis ça parce que c'est irrationnel. Je sais que c'est irrationnel parce que je sais que le Covid, en soi, c'est pas de leur faute et ça doit les saouler d'avoir que des trucs déprimants annoncés. J'imagine que Jean Castex, il préférait largement dire, mes chers compatriotes, qui c'est qui a fait 9% de PIB en plus au dernier trimestre? Eh, c'est nous, c'est nous, et glou glou glou, t'es qui là pour tout le monde. Vous savez qu'au départ, j'ai même pas prévu de faire un accent, ça s'est imposé à moi. Pendant l'écriture, comme une évidence, je me suis dit un accent, ça va les mettre en joie. Et la preuve, on rit. Pas tous, mais on rit. C'est curieux, hein, ce sentiment. C'est comme si j'avais envie de me venger. C'est comme si j'avais envie de me venger du mal qu'ils ont fait à ma vie, alors que fondamentalement, je suis même pas en désaccord avec leurs décisions, quoi. Moi, j'aurais fermé tous les théâtres aussi, sauf celui où moi je joue. Hein, du coup, je serais devenu seul humoriste en activité dans le pays, franchement. Et personne n'aurait fait la fine bouche avec la blague de l'émotion qui m'habite. Personne. On serait tous dit, ah, ça m'a suffi, ça m'a mis en joie. C'est vrai. Mais au moins au pouvoir, j'aurais fermé tous les magasins qui me semblent non essentiels à moi. Genre Yves Rocher, je vais jamais. C'est vrai. Ma crème pour les mycoses des paupières, je l'achète à la pharmacie. Pas vrai, Daniel? Mais je vous remercierai jamais assez de ce conseil. Nous, on a le tiers payant en plus. C'est vrai, mais moi au pouvoir, c'est sûr que j'aurais autorisé toutes les fêtes privées, par exemple, sauf celle où on passe la chanson J'ai demandé à la lune d'Indochine. Ça, amende. 1 700 €. Temps de redressement. Les matchs de foot, les matchs ouverts au public, tous, sauf quand l'équipe de France joue. Là, on annule le match, forfait, normal. Les vaccins, putain, les vaccins, si moi j'avais été en charge de l'approvisionnement des vaccins avant de les acheter pour économiser, j'aurais attendu qu'ils sortent en vaccin de poche. Et c'est dommage que ce parallèle avec le livre de poche ne fonctionne pas plus que ça. C'est dommage, à la base, c'est une bonne blague, on pouvait se dire théoriquement. Oui, c'est excellent. Moi, je l'ai écrit, je me suis dit, c'est une chance sur deux. Prépare-toi psychologiquement un but quand même, on sait jamais. Eh ben, je suis un visionnaire. Mais ça se passe dans les tripes, ce ressentiment que j'ai pour nos décideurs. Je suis curieux de voir ce qui va donner aux élections. Bon, une chose est sûre, votez pas pour moi. Allez, bonne émission, les amis. Bravo, Guillermo.